You're listening to San Francisco's Community Radio. C'est Dominique Josepha qui vous parle avec Nadine Defranoux, notre invitée d'aujourd'hui. Nadine va nous parler de sa passion pour la photo, de ses expositions, de ses voyages, des techniques qu'elle emploie et de ses objectifs. Pour en savoir plus, consultez info@nanophoto.com. Viens-tu, Nadine? Alors, j'ai grandi à Nice, en fait, dans les Alpes-Maritimes, dans la montagne, dans un petit village dans l'arrière-pays niçois. Et je suis venue aux États-Unis en 91, donc ça fait plus de 20 ans maintenant que j'habite ici. Parle-nous un peu de ce qui t'a amené à la photo. J'ai toujours fait de la photographie. J'ai eu un appareil quand j'étais très jeune et je me suis remise de façon plus assidue, en fait, ici. Donc, dans les années 90, je faisais pas mal de théâtre. J'ai commencé à faire les photos des gens aussi dans les coulisses. Et puis, une des troupes avec qui je faisais du travail m'a demandé de faire leurs photos promotionnelles. Donc, j'ai commencé à faire ça. Les photos étaient publiées dans les pages du journal du dimanche, du Chronicle et de l'Examineur. Donc ça fait toujours plaisir. Et depuis, j'ai continué. En fait, en 2002, j'ai fait un voyage en Antarctique. J'avais besoin de prendre l'air. Et quand je suis revenue, c'est là où j'ai fait ma première, où j'ai participé à une première exposition. Donc ça m'a vraiment plu de faire les photos et de montrer le travail. Donc depuis, je continue à faire de façon plus régulière. En tout cas, c'était un bon départ. Oui, c'était pas mal. Est-ce que tu cibles un thème particulier? Pas tout à fait en tant qu'un thème. Ce que je suis attirée particulièrement par des endroits qui ont une mémoire, qui ont changé à travers les temps. J'ai le concept que la photographie, on peut, si on passe un certain temps dans un environnement, on peut arriver à recapturer la mémoire de ce qui a été dans cet environnement. Pareil, avec les gens, on peut capturer au-delà de ce qui est la façade, une émotion. Donc c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est de trouver quelque chose qui va générer une émotion chez le spectateur. Et je m'intéresse plus à tout ce qui est photo environnementale, paysage, urban decay, donc, et voyage. Et est-ce qu'il y a un thème ou un style de photo qui ne t'attire pas? Je ne suis pas particulièrement intéressée par tout ce qui est photo de nu, photo... Il y a des photos qui m'intéressent, mais que je sais que ce n'est pas moi qui les ferai. Je pense que ça, c'est plus vrai. Il y a des photos parce que je n'arriverai pas à voir la scène quand elles sont faites ou je ne serai pas à les manipuler de cette façon-là. Quel type de photo te plaît le plus chez les autres? J'aime bien les photos surréalistes. J'aime bien le travail de Jerry Holzman, qui fait beaucoup d'images, où il fait des superimpositions en chambre noire. Donc, il travaille beaucoup en chambre noire avec plusieurs négatifs. Le Photoshop, en fait, les possibilités qui sont offertes par Photoshop ont été inspirées de son travail. J'ai récemment découvert un artiste français qui s'appelle Gilbert Garcin, qui fait aussi des photos très surréalistes qui me rappellent beaucoup Jacques Tati dans la façon dont les images sont structurées qui stimule l'imagination. Est-ce que tu photographies à l'instinct ou est-ce par rapport à l'influence d'une mode? Je ne suis pas sensible à la mode, je ne pense pas, sauf peut-être au niveau trouver de nouveaux outils et trouver de nouveaux éléments pour essayer d'augmenter mon champ créatif et ce que je peux faire avec. Mais sinon, je vois plutôt la photographie comme ma relation avec, comme quelque chose d'organique. Donc, de passer du temps dans un environnement ou avec des personnes. J'ai aussi fait donc, des photos de, pas tant des portraits, mais plutôt des personnes dans leur environnement. Et donc, passer du temps avec et à être réceptif à la personne et à l'environnement et prendre des photos dans le moment. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'art de la photographie? Ça, c'est une bonne question. Il y a ce côté donc, d'essayer de capturer quelque chose qui, en fait, n'est pas visible au premier abord et de pouvoir capturer l'essence du moment ou l'essence d'un endroit et qui transcende, en fait, la vue qu'on a. Il y a beaucoup de choses qu'on voit qui sont inaperçues, en fait, qu'on ne fait pas attention. Donc, j'aime bien pouvoir apporter attention aux choses qui ne sont pas vues. Je pense aussi qu'on a une perception esthétique de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau, et c'est quelque chose qui m'intéresse à explorer. Et tu penses que tu découvres les choses quand tu les as figées sur une photo? D'ailleurs, figer n'est peut-être même pas le mot exact. Je découvre les choses quand je fais la photo, quand je passe mon temps à essayer de faire la photo. J'essaye de trouver l'élément dans l'environnement qui fait que je découvre quelque chose en moi intérieurement sur comment je suis dans ce moment-là, et j'essaye de trouver une image qui va transcrire ce que je ressens. J'ai aussi remarqué que si je suis très stressée, je n'arrive pas à faire d'images. Mais par contre, avec le temps et la pratique, de plus en plus, ça devient un moyen aussi maintenant de sortir de mes moments de stress. Donc quand je suis fatiguée, stressée pour d'autres raisons, de partir avec l'appareil photo et de commencer à faire des images, ça m'oblige à revenir à l'instant présent. Et en fait, c'est quelque chose qui a une grande valeur. On ne peut pas faire des images d'un environnement si on n'est pas 100% dans l'endroit où on est. C'est une thérapie ? C'est un mode de méditation. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui restent ? Il y a les souvenirs des endroits que j'ai visités, beaucoup plus. Il y a aussi une réflexion qui s'ouvre. J'aime bien aller voir le travail, j'aime bien aller à des expos et aller voir le travail d'autres artistes. Donc ça fait beaucoup partie de mon quotidien. Et donc ça ouvre une réflexion et ça ouvre un état d'esprit, je trouve. C'est intéressant. Et jusqu'où penses-tu aller avec la photo ? Aux quatre coins du monde. Ça, c'est pour la partie voyage. Et non, la partie professionnelle ? La partie professionnelle. Je pense que la plupart des artistes, c'est difficile de faire de gagner sa vie sur le côté artistique purement. Je veux rester plus sur le côté exploration artistique que sur le côté commercial. J'ai fait un workshop, j'avais enseigné l'année dernière une amie qui a sa fille qui fait partie des scouts, et donc j'avais fait un petit workshop pour leur montrer comment faire des impressions photographiques en utilisant le soleil. Et je trouve que c'est sympa, ça me plaît bien. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à faire un peu de ça de là. Si on m'offre une possibilité de faire un projet qui soit payé ou je puisse vivre de ça, j'ai aucun problème. Mais je pense plutôt que, pour moi, ce que je vois en tant que professionnelle, c'est vraiment l'attention à apporter à l'art et l'attention que je porte quand je crée les images. Donc de ce côté-là, je veux devenir aussi professionnelle que possible et définitivement montrer mes images quand elles sont faites, quand elles valent la peine. Quand on s'est parlé au début de l'année, tu m'as dit que tu aimerais réaliser une photo par jour. Oui, j'ai pas mal d'amis qui ont fait ça et je trouve que c'est un projet intéressant. Ça aide à rester engagé dans l'activité. J'ai commencé à faire ça, en fait, j'ai découvert Instagram l'année dernière. Donc j'ai commencé à dire, ok, je vais poster un Instagram tous les jours sur le site et pour m'aider à continuer à rester active. C'est pas aussi facile que ce qu'on pense, parce que je me lève le matin, je vais au travail, je reviens, j'ai pas forcément pris de photos, ou je prends les photos autour du bureau, c'est toujours les mêmes, c'est pas très intéressant. Donc j'ai quelques jours déjà où j'ai pas rempli mon quota, mais j'essaye de rattraper ça le jour suivant, et je trouve que c'est vraiment un challenge assez intéressant à poursuivre. Mon bureau est à Oyster Point, qui est autour de la baie, donc je me promène, il y a une petite promenade, je prends des photos de la baie, l'horizon, le soleil, des escaliers, les plantes, les gens qui passent. Oui, un peu tout ce qui se présente, mais tous les jours c'est différent de toute façon. Tous les jours c'est différent, mais des fois ça ressemble quand même beaucoup à la veille. Ah bon ? D'accord. Et dans les photos que tu as publiées, y en a-t-il une qui évoque pour toi plus que les autres ? Je ne peux pas dire qu'il y en ait une en particulier, je dirais plutôt peut-être deux ou trois. Donc je fais de la photo en couleur, de la photo en noir et blanc. Dans les photos couleurs, il y en a une que j'ai faite il y a 2-3 ans de ça, du Golden Gate Bridge. On voit le pont en arrière, dans le lointain de l'image. L'image aussi est les couleurs de l'image de la photo sont dans les bleus et rouges et ont une atmosphère très années 70. Donc je trouve que l'image en elle-même représente à la fois le lieu de San Francisco, mais aussi une période iconique de San Francisco des années 70 du mouvement hippie. Donc je trouve que c'est une image qui est bien réussie, qui me plaît. Et sinon, dans les images en noir et blanc, je dirais deux. Une qui est une image de l'Antarctique quand j'étais, des icebergs, qui est vraiment qui m'inspire beaucoup dans la mesure où ça représente un monde tout à fait étranger. Si on pouvait vivre sur une planète étrange, sur une autre planète, ça serait une image qui pourrait venir d'ailleurs, d'espace. Et la dernière image, c'est une des images que j'ai fait le plus récemment. Je pense que c'est souvent le cas. Ce que je fais, ce qui est en train de se produire, ce qui est en train de se faire et de se créer, c'est souvent ce qui m'inspire le plus. Et c'est de là que je continue à travailler. Tu voyages loin ? Un petit peu, j'essaye. J'essaye de voir le monde. Je ne voyage pas assez, mais j'ai fait quelques voyages qui sont assez loin, oui. Et est-ce que tu choisis tes destinations en fonction des photos que tu voudrais prendre ? Oui et non. Je choisis les destinations par rapport à une idée de l'espace, à une idée de ce que je cherche. Donc, je suis allée... Le voyage le plus récent, j'étais en Mongolie, il y a 2 étés de ça, et je voulais y aller parce que pour moi, le désert de Gobi représente quelque chose à la fois d'étendu. J'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qui est désertique, pour les espaces désertiques et pour l'océan. Et donc, je voulais voir le désert de Gobi. L'idée que c'était un endroit qui était avant peuplé par des dinosaures, je trouve ça très fantastique et qui m'intrigue beaucoup. Donc, je voulais aller voir à quoi ressemblait un désert qui avant était peuplé de bêtes surdimensionnées. Et aussi, je trouve qu'il y a c'est de plus en plus difficile de trouver sur la Terre, en fait, des endroits qui sont de grands espaces sans pollution ou avec un minimum de pollution au niveau de traces humaines. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais aller là-bas et voir aussi comment les gens vivent dans ce genre de conditions extrêmes. On est habitué à un certain confort dans nos villes. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller dans des endroits qui sont différents et moins développés, je trouve que ça permet de réaffirmer la force qui existe dans la vie, de voir que la vie en fait existe même dans des endroits qui sont tout à fait, dans des conditions qui sont tout à fait difficiles. Et il y a une vérité qui existe chez les gens qui vivent dans ces endroits-là. Et quand tu pars seule ou tu pars avec un groupe organisé de photographes ou... Je pars rarement avec un groupe organisé de photographes. J'ai fait quelques workshops, mais plutôt sur les États-Unis, où je suis allée dans la Death Valley, au nord de la Californie avec des photographes parce que je voulais apprendre de nouvelles choses et connaître certains endroits plus particulièrement. Quand je pars loin, je suis partie souvent seule où j'ai rejoint des groupes de gens qui voyagent, qui font plutôt des voyages d'aventure. Et à l'occasion, moi, je fais de la photo en même temps. Donc, j'ai fait l'Antarctique comme ça. Et quand j'étais en Mongolie, en fait, je voulais aussi faire du chameau. Donc, je suis partie avec un groupe. On s'est retrouvés. On était 5 personnes. On a fait du chameau pendant une semaine. C'est moins confortable que le cheval. je dirais pas plus. Mais c'est toujours la même odeur. C'est moins agréable que le cheval. C'est un ruminant. Oui. Donc le premier jour, on s'en aperçoit pas. Le deuxième jour, je trouvais que ma foi, il aurait dû se brosser les dents la veille. Et donc oui, donc souvent je pars avec des gens qui font pas forcément de la photo. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les artistes français et les artistes américains ? C'est une bonne question. Je saurais pas vraiment y répondre. Je pense qu'il y a la Californie est connue au niveau paysagiste avec Ansel Adams. Donc il y a un style de photographie paysagiste ici qui est très différente d'ailleurs, de grands paysages faits avec des caméras grand format. Moi, j'utilise pas le grand format, j'utilise médium format ou 35 mm. Les artistes français, quoi, je pense, les photographes français, celui qui vient à l'esprit, Cartier-Bresson, lui, c'est du photojournalisme. Sinon, je pense qu'il y a peut-être plus une idée... au niveau des thèmes peut-être qui sont approchés. Je travaillais là récemment sur une série de photos sur l'océan et il y en a une des photos que j'aime bien que j'appelle Ouverture sur le néant qui représente des dunes avec juste un brin d'océan au fond et les gens du groupe avec qui on avait un échange trouvaient que c'était très français d'avoir ce genre de recherche existentialiste à travers la photographie. Donc, les autres pensent qu'il y a une différence. Peut-être. Je ne sais pas si c'est une différence français-américain ou si c'est juste ma perception à moi qui fait que... qui est ancrée dans la recherche existentialiste française, qui quand même reste quelque chose d'assez particulier. Mais si toi, tu regardes deux photos, Tu ne reconnais pas une origine particulière? J'ai jamais regardé les photos dans ce contexte. Je les regarde plutôt par rapport à l'artiste même ou par rapport à l'approche que l'artiste a de la photo. J'ai jamais cherché encore à vraiment voir s'il y avait une particularité française par rapport à ça. Mais c'est quelque chose probablement à regarder. Et je sais qu'il y a une différence homme-femme, par contre, au niveau photo. J'en discutais récemment avec d'autres photographes. Et il y a une différence dans la photographie paysagiste environnementale entre hommes et femmes, en partie parce que si on veut faire de la photo grand format, il y a un équipement à transporter, ça demande une certaine forme physique, une certaine capacité physique. Mais aussi, il y a une sensibilité esthétique qui est différente entre les hommes et les femmes. Donc, je pense que ça, définitivement, c'est là. Entre Français et Américains, je ne serais pas étonnée qu'il y en ait une, dans la mesure où, culturellement, on est très influencé dans l'art qu'on produit. Mais je ne saurais pas dire quelle est la différence. Quels sont les appareils photo dont tu te sers? Essentiellement, des appareils à film, donc j'ai un 35 mm, j'en ai trois en fait. De marques différentes? Oui, mon premier c'est un Minolta que j'ai gardé pendant très longtemps, j'en ai toujours un, mais j'ai perdu des lentilles, le boîtier est abîmé, mais je l'ai toujours, et je l'utilise toujours. J'ai récupéré un Canon et un Nikon aussi, que j'utilise un petit peu moins. J'ai un Hasselblad que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai utilisé un autre moyen format, Mamiya 7, que j'aime bien, mais qui est assez large. Et j'utilise mon iPhone maintenant que j'ai un iPhone caméra. Et j'ai aussi un appareil digital, un petit appareil digital que j'utilise. Et que penses-tu de la qualité de la photo par iPhone? Ah, j'ai aussi un autre appareil qui est mon Holga. Je trouve que le iPhone est équivalent au Holga en fait, pas au niveau qualité de l'image, mais au niveau facilité de l'image. C'est-à-dire que ça permet d'être vraiment dans le moment pour prendre la photo, sans avoir à réfléchir à tous les réglages, etc. Et on peut après processer sur la photo, on peut travailler sur la photo plus tard. La qualité de l'image sur l'iPhone, on peut imprimer, j'ai imprimé des images 11 par 14 sans problème. Ça fait des photos de taille raisonnable. Le format d'une feuille de papier? Plus grand que ça. Oui. Ah oui, plus grand. Non, ça fait des photos de qualité tout à fait raisonnable. Il y a un dicton qui dit « le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a avec soi et qu'on utilise ». Et donc, dans ce sens-là, le iPhone ou n'importe quelle autre caméra phone, j'ai utilisé un BlackBerry à un moment donné, j'avais aussi un Droid, donc c'est pas une marque particulière. Mais ça permet d'avoir, et on voit quelque chose et on prend la photo. Et c'est souvent beaucoup plus pratique que de se transporter un appareil digital plus volumineux. En fait, l'art de la photo, c'est aussi de savoir la traiter, de savoir la développer par la suite. Oui, oui, oui. Oui, ça aussi, oui, oui, oui. Donc moi, je fais pas mal de travail. J'aime bien faire du travail en chambre noire. J'aime bien développer en fait mes photos en chambre noire, ce qui se fait quasiment plus. Il y a un endroit à San Francisco où on peut louer la chambre noire. Ça s'appelle Seraico. C'est un labo photo qui offre des classes, mais qui offre aussi un espace à louer pour faire de la couleur, du noir et blanc, du digital. Donc, ils ont une machine qui permet de développer les photos couleurs. Et de faire les retouches? Les retouches en photos couleurs, si on fait les photos de façon analogue, donc on les développe en chambre noire, les retouches se font à la main sur les photos. De façon générale, on évite d'avoir besoin de faire des retouches, on essaye de prendre de bonnes photos, donc ça marche mieux. Sinon, quand c'est du digital, on fait les retouches en utilisant les applications appropriées. Et avec le recul, que penses-tu de tes premières photos? Tu les regardes de temps en temps, je suppose. Je les regarde de temps en temps. J'ai des photos donc, que j'ai développées qui sont encadrées. Quand elles sont encadrées, il y a une relation intéressante qui se fait parce qu'elles deviennent vraiment un objet indépendamment de moi. Et je peux les regarder de façon neutre. Généralement, je les trouve bien. Je ne suis pas neutre aussi tant que ça. Mais quand je regarde des photos de fleurs, on fait des photos de chaises, de portes, de fenêtres, les manèges d'enfants, grands classiques. Donc, je vois que j'ai passé toutes les étapes et j'y reviens. C'est normal, en fait. Donc, et puis ça, je peux maintenant voir le chemin donc, que j'ai fait, voir comment est-ce que je recadrerai une image ou comment je la traiterai différemment pour pouvoir la rendre plus forte ou plus inhabituelle, moins prévisible. Tu sens que tu as amélioré certains points ? J'espère. Bon, c'est évident, au bout de... Ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la photo ? Ça fait, je dirais, depuis le début des années 2000, j'en ai fait en 4... Donc, les photos de théâtre, je les faisais autour de 97, 98. Mmh. Puis après, j'en fais un petit peu moins, surtout depuis 2003, j'en fais beaucoup. Oui, donc quand même, il y a un petit changement. J'espère. Au minimum. J'espère. Et depuis, tu as fait plusieurs expositions. J'en ai fait deux. J'ai eu deux shows juste par moi-même. Et donc un c'était sur l'Antarctique et l'autre c'était sur la Mongolie. J'ai participé aussi au Open Studio qui se fait le mois d'octobre à San Francisco. Donc j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un aussi avec quelqu'un sur Palo Alto. Je pense que je vais le refaire cette année en octobre. Généralement, je montre mes images chez des amis qui habitent dans le Sunset. Ils ont un espace qui est plus facile que ma maison pour montrer. Et j'ai fait pas mal de shows de groupe. J'ai eu une photo qui était à Reiko, ils ont une galerie qui était dans un show qui vient de finir il y a 2 semaines de ça. Et je vais être dans leur prochain show en mars qui est sur les appareils photo plastiques, donc le Olga, le Diana. J'ai une de mes images qui a été prise pour le jury. C'est super. Et est-ce que tu penses que quelqu'un a influencé ton style ? Je ne peux pas dire quelqu'un en particulier encore. Je pense que je lis beaucoup, je cherche beaucoup. Je pense plutôt que je prends aussi des cours de façon régulière à différents endroits dans la baie. Je pense qu'effectivement, ça m'aide à être plus précise dans mes images, à regarder de façon plus intense et à savoir pourquoi est-ce que je prends une image. Je pense que c'est important pour arriver à faire une image plus forte, de savoir, ok, quand je vois une scène, si je veux prendre, est-ce que c'est l'arbre que je veux prendre ou est-ce que c'est l'arbre dans son environnement ? Et ça va m'aider à me concentrer sur ce qui est important dans l'image et simplifier l'image en même temps. Si un de nos auditeurs voulait commencer à faire de la photo, mm-hmm. qu'est-ce que tu lui conseillerais ? De développer un sens esthétique, son sens esthétique. Donc de pas s'encombrer avec tout ce qui est technique. Je pense que surtout de nos jours avec tout ce qui est informatique, les appareils digitaux, ça devient très facile de s'orienter plus sur le côté technique que sur le côté créatif. La photo a toujours été liée avec un progrès technologique, mais si on veut faire de la photographie, je pense que ce qu'il faut arriver, c'est à toucher à son côté, son imagination et à développer une vision. Et ça vient par la pratique, en fait. Et en regardant ces images aussi de façon critique. Regarder les images des autres aussi de façon critique. Souvent, on regarde des images et on peut voir, est-ce que si on avait pris cette image, on l'aurait faite de la même façon ? Qu'est-ce qu'on aurait fait différent ? Pourquoi est-ce qu'on l'aurait faite différemment ? Et donc, c'est un entraînement, en fait. On s'entraîne à regarder l'environnement de façon différente. Et est-ce que tu conseillerais à cette personne d'aller prendre des cours, une formation quelconque ? Moi, j'ai toujours trouvé ça très bien. Je pense qu'après, ça dépend des individus. Moi, je trouve que les cours sont très bien. Ça oblige à prendre des photos. Ça, il y a un certain challenge qui vient avec. On est obligé aussi à apprendre à articuler, à parler de son image, de ce qui nous intéresse. Et ça oblige à réfléchir un petit peu plus sur ce qui nous amène à faire de la photographie, ce qui nous amène à choisir une image plutôt qu'une autre. Donc, j'encouragerais définitivement la personne à aller prendre des cours, à travailler sur un portfolio, à choisir un thème et à être dans un groupe d'autres artistes. Donc, ce n'est pas forcément juste des photographes, mais à être actif avec d'autres artistes, avoir une discussion, j'encouragerais la personne à aller au musée, à aller voir des expositions, à se faire une idée de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime et de ce qu'elle aime moins, et de choisir et de comprendre pourquoi il y a des images qui sont plus intéressantes que d'autres pour sa personne. Et pour te connaître un peu mieux, à quoi occupes-tu le reste de ton temps libre ? Je fais de la rando quand j'ai le temps. J'aime bien aller. On peut prendre des photos là encore. On peut faire prendre des photos. J'ai trouvé que c'était. C'est si je vais marcher, je dois marcher. Si je fais de la photo, je peux pas vraiment marcher. À chaque fois que je pars pour en me disant je vais faire une rando et prendre de la photo, il y en a un des deux qui se passe, mais pas l'autre. Donc il faut séparer les deux activités. Ça prend du temps de prendre de la photo. Donc si on a prévu de faire une rando de 4 heures, on n'arrivera pas à la faire avant le coucher de soleil. Donc ça, pas mal. Bon, là, maintenant qu'il y a de la neige, j'aime bien aller skier aussi. Je fais moins de théâtre, mais j'en fais toujours un petit peu. J'ai fait une pièce l'année dernière, j'en ferai peut-être une cette année. Est-ce que je fais d'autres Je voyage entre-temps. J'aime bien aller me promener le week-end. Tu fais des voyages lointains, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des régions particulières ou des pays particuliers que... Aux États-Unis, j'aime bien le sud-ouest. J'aime bien aller en Arizona, Nouveau-Mexique, toute cette partie. Comme je dis, j'aime bien tout ce qui est un peu désertique. La Californie, définitivement. Il y a toujours... Je la redécouvre à chaque fois, même si c'est juste deux heures de San Francisco. Je redécouvre à chaque fois et je trouve ça assez merveilleux. Beaucoup d'endroits que j'aime bien. En Europe, bon, je rentre en France de façon régulière chaque année. J'aime bien l'arrière-pays, les montagnes. La région de Nice en particulier. Oui, tout à fait. Et sinon, les prochains voyages, j'aimerais bien me concentrer plus sur l'Asie du Sud-Est. Sud-Est. Aller au Cambodge, aller au Laos, des choses comme ça. Je voulais y aller là cette année à Noël, puis ça ne s'est pas fait, mais c'est un endroit où j'aimerais bien aller. Je suis allée au Tibet et je suis allée à Séoul il y a quelque temps et ça m'a beaucoup plu. J'aimerais bien connaître davantage, me promener davantage. Et la Thaïlande? La Thaïlande aussi, oui. Je ne suis pas encore allée. Il y a beaucoup de photos à faire. Oui. Et l'Inde? L'Inde, définitivement. Mais il y a des endroits comme ça, je pense qu'il me faudrait au moins 2 ou 3 mois de vacances pour pouvoir y aller, pour passer du temps à m'intégrer et à avoir vraiment une impression plus ancrée. Et pour la suite? Alors, un des projets que j'ai, c'est que j'ai commencé à étudier pas mal tout ce qui est développement de la photo en utilisant les procédés historiques comme le cyanotype, la gomme, carbon printing et la photo à l'albumène. Je ne sais pas comment on les dit toujours en français, ces procédés. J'ai honte. Mais donc, un des procédés qui m'intéresse beaucoup, c'est imprimer les photos en utilisant le sel d'argent. On peut donc utiliser dans ces procédés historiques, en fait, on peut utiliser la lumière du soleil pour pouvoir développer sa photo. Donc, le principe, c'est que le négatif, la photo est la taille du négatif. Donc, le digital, en fait, permet maintenant, on peut faire une photo avec un film ou avec un appareil digital, scanner et agrandir son image de la taille qu'on veut, la photo, l'imprimer sur un papier transparent, sur un film, et après on fait une impression contact en mettant directement le négatif sur le papier. Le papier a été traité avec un de ces produits chimiques. On l'expose au soleil pendant 15 minutes, une heure, ça dépend de l'intensité du soleil, ou on l'expose avec une lampe UV, et on lave le papier et on a une image. Donc il y a différents procédés qui peuvent être utilisés comme ça. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien l'idée de faire une photo environnementale et d'utiliser les éléments naturels, même si on ne les contrôle pas. Donc chaque image est influencée et ressort de façon un petit peu différente l'une de l'autre, suivant à quelle heure du jour on l'a fait, où est-ce qu'on l'a fait, comment est-ce qu'on a peint le papier. Donc, il y a des procédés que je veux étudier un peu plus. Et mon idée, c'est d'intégrer ça directement avec le type d'image que j'ai. Et donc, d'avoir une image qui représente un espace, mais aussi d'utiliser le soleil à ce moment-là ou d'utiliser l'élément naturel dans la création même de l'image. Superbe. Donc, il y a tout un groupe qui s'appelle les antiquariens qui étudient justement comment... qui retourne à la base de la photographie, qui utilise les plaques de collodion, qui utilise les procédés anciens de daguerréotype pour pouvoir faire les images. Donc je ne suis pas sûre que je vais aller à l'extrême comme eux font. Certains de ces procédés sont des procédés qui sont assez toxiques et ce n'est pas vraiment ce que je cherche, mais quelque chose entre les deux, je trouve ça intéressant. Et on a un rapport beaucoup plus direct avec l'image qu'on crée. Et donc chaque image devient vraiment... une expression unique du moment où elle a été créée. C'est très intéressant tout ça. Donc, oui. Notre émission s'achève sur ces mots. Merci de nous avoir écoutés. Merci Nadine d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Et bonne semaine à tous.